Bon vendredi à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30 comme à l'habitude. Et on plonge, comme à l'habitude également, dans l'univers du 9e art de la bande dessinée. Et cette semaine, ben, on se propose et on s'offre deux entrevues, deux regards sur des albums que j'ai bien appréciés. Alors, c'est toujours motivant, en fait, d'avoir envie de vous partager comme ça ces lectures et ben, de le faire en compagnie de leurs auteurs. Alors, en deuxième moitié d'émission, on va plonger autour de la bande dessinée « Mort et déterré », donc premier tome qui est arrivé cet automne du côté des éditions Dupuis. Les éditions Dupuis qui étaient venues chercher l'auteur Jocelyn Boisvert, qui l'avait invité, convié à adapter en bande dessinée son roman conjointement avec le dessinateur Pascal Colpron. Ça a été offert en prépublication du côté de Spirou et ensuite ben, en album, donc premier tome qui est arrivé tout récemment et sincèrement fait une belle réussite côté BD jeunesse, BD tout public aussi. Je pense qu'on peut élargir facilement du 10 à 80 là, le classique Tintin. Et qui nous amène donc autour de réflexions sur la vie, sur la mort, donc des éléments quand même assez dense dans le contexte d'une bande dessinée où on parle de zombies, mais d'un zombie gentil. Alors, j'en dis pas plus puisqu'on va prendre une belle demi-heure là, pour l'explorer avec Jocelyn Boisvert en deuxième moitié d'émission. Et sinon, ben, on va plonger dans quelques instants dans l'univers de Rédemption, donc deuxième tome, La famine et la mort, c'est du côté de Glénat. Et avant de me lancer sur ce sujet-là, je vous rappelle évidemment les sites web, les lieux où nous suivre ici à La Vie en BD, en dehors de l'émission. Alors, pour les balado-diffusions et quelques actualités de la sphère de la bande dessinée, c'est sur lavieenbd.wordpress.com. Également, on vous invite à nous suivre sur Facebook, facebook.com/lavieenbd. Alors, je ferme cette parenthèse et réouvre mon sujet principal, donc Rédemption, deuxième tome. On avait bien apprécié ici à l'émission le premier tome qui est arrivé il y a quelque temps déjà, donc qui nous amenait dans l'univers de ce cowboy Mike et dans un univers également inspiré des mythologies bibliques. Et donc, deuxième tome qui est arrivé en début d'automne, troisième qui s'en vient en fin d'automne. Et on s'était donné rendez-vous la dernière fois qu'on en avait jasé avec son auteur, Liv Tan, en se disant, regarde, on va parler du premier tome, mais on va se donner aussi du temps pour explorer le deuxième, parce que c'est bon, parce qu'on a envie d'en parler et de vous inviter à le découvrir avec nous, cet univers de Rédemption. Alors, Liv Tan est avec nous en studio. Bonjour. Salut, Raymond. Alors, ben, d'entrée de jeu, tu nous l'avais dit quand tu avais présenté le premier tome de Rédemption, plus la série avance, plus on s'en va vers des éléments sombres, vers des remises en question, vers un univers qui est plus sombre, disons-le comme ça. Oui, définitivement. Le premier album est une grosse introduction à quelque part. Il est plus lent, il est plus introspectif, il est plus... C'était vraiment une mise en bouche, en fin de compte. Je pense que il y a beaucoup de gens qui ont apprécié justement l'économie de mots, l'économie de paysages et tout ça, l'espèce de fait qu'on nourrit tranquillement l'histoire, mais une bouchée à la fois et tout ça. Le deuxième, ben, ça se trouve être le nœud de l'histoire quand même. Là, c'est là où le dilemme se propose, c'est là où les situations se campent un peu plus, puis il faut corser la chose, puis il faut expliquer un peu plus peut-être... c'est quoi les tenants et aboutissants qui vont arriver, là, c'est quoi le défi, qu'est-ce qui se passe là? Oui, puis à la limite, en fait, c'est un moment charnière pour Mike, ton cowboy, ton archange également, dans la mesure où dans le premier tome et dans une bonne partie du deuxième, il se positionne un peu en témoin. Dans le fond, il regarde, il voit, il découvre ce qui se passe aussi. Il ne se sent pas nécessairement concerné, mais à un moment donné, il va devoir choisir. Dans le fond, est-ce qu'il est concerné par ce qui se passe? Est-ce qu'il ne l'est pas? Et c'est un choix qui nécessite aussi réflexion. Et donc, j'imagine qu'en termes narratifs, ben, faut aussi se donner un contexte où la décision, il ne la prendra pas nécessairement seul. Il va la prendre dans des échanges, dans des dialogues qui vont le faire cheminer intellectuellement. Donc, le premier était un peu introspectif. J'ai l'impression que le deuxième est un peu réflexif. Oui, absolument. Écoute, Mike chemine là-dedans, puis comme tu dis, il fait face à des situations qui sont pas toujours faciles. On finit par comprendre, on rencontre dans le premier album deux personnages qu'on comprend pas exactement toujours qui ils sont. Beaucoup de gens m'ont dit après la lecture, j'ai hâte de découvrir qui sont ces deux personnages-là. Quand on lit le deuxième, on se rend compte que c'est un quatuor, puis que là, on comprend mieux déjà pourquoi ils sont là. À ce moment-là, on comprend mieux aussi le dilemme auquel il fait face. Puis on essaie de voir comment est-ce qu'il va réagir à ça. Avant ça, personnellement, c'est un gars qui a été délaissé, c'est un gars qui a été abandonné, c'est un gars qui a été oublié. Il en a rien à foutre de rien. Il fait son propre truc, puis il n'a pas de compte à rendre à personne. Sauf que là, éventuellement, il se rend compte qu'il n'y a plus juste lui qui est en jeu là-dedans, mais que c'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus gros, puis qu'il pourrait peut-être avoir une influence là-dedans. Et j'ai l'impression qu'en même temps, pour le mettre en mouvement, tu as amené Mike, d'un point de vue intellectuel à tout le moins, jusqu'au bout de son parcours d'abandon. Dans le fond, à un moment donné, il se sent abandonné à tout moment, mais il y a toujours espoir, peut-être, de retourner avec Dieu, de retourner d'où il venait, de retourner au ciel, etc., etc. Et d'une certaine manière, le personnage, sans trop en dévoiler, c'est super dur de pas dévoiler des trucs, parce que je veux que les gens le lisent aussi, on l'amène jusqu'à un certain point où il perd peut-être tout espoir, et c'est d'arriver à ce moment-là qu'il réussit peut-être à se mettre en marche ou à se forcer de prendre une décision. Oui, je pense que dans cet épisode-là, dans ce deuxième tome-là, Mike se fait briser, là, autant moralement que physiquement, puis... il doit se poser la question maintenant, est-ce que c'est trop gros, trop fort pour moi? Est-ce que il y a de la place pour l'espoir dans l'avenir? L'avenir étant le tome 3 en passant. Et c'est ça, tu sais, c'est une remise en question qui se fait, puis et c'est drôle parce que je sais pas comment tu voulais l'introduire, mais j'ai parlé avec des gens qui ont lu le tome 1 et le tome 2, puis il y a quelqu'un qui m'a approché en me disant j'ai l'impression qu'il y a du temps qui s'est passé entre les deux albums. Puis il s'est laissé au luxe de chacun, s'est laissé au luxe du lecteur. Il y a peut-être une année qui s'est passée entre les deux. Il y a peut-être que Mike s'est réveillé le lendemain et il a découvert le ranch. C'est libre à soi, mais son cheminement se fait sur un certain temps. Puis c'est ça, on est témoin de ce qui se passe avec lui. Là. Oui, en fait, on a accès à l'ordre du cheminement. On a accès à son intériorité parce qu'il y a une narration intérieure qui se oui. fait. Et même quand il est en mode dialogue, en fait, il y a toujours ces deux dimensions qui restent là, mais on n'a pas de temporalité de ces événements-là qui est imposé. C'est vrai. Puis j'impose pas un timing sur l'histoire. Je pense que c'est à chaque personne de se faire sa propre idée là-dessus. Puis c'est pour ça que je trouve ça vraiment le fun quand le monde se l'approprie puis se dit je pense qu'il y a 2 ans qui s'est passé entre les deux albums. OK, pas de problème. Je roule avec ça. Moi, ça, c'est possible. Pourquoi pas, tu sais? Peut-être que non aussi, mais moi, ma volonté, c'est pas d'imposer aux gens exactement qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Même chose pour Mike. Il dit des choses des fois, puis les gens peuvent dire mais je pense que là, il dit pas ça, il le pense pas pour vrai. J'ai aucun problème avec ça. Oui, ben en fait, c'est que d'un côté, il y a la mythologie biblique qui est la source de ton inspiration. On avait parlé la dernière fois, donc on le rementionne, la mythologie de l'Ouest, évidemment, qui reste proéminente. Mais à travers tout ça, il y a ta mythologie à toi et les règles de l'univers que tu proposes aussi qui sont là-dedans. Et c'est ce qui nous laisse libre un peu d'une certaine interprétation parce Totalement. Que, dans le fond, on laisse des portes ouvertes au lecteur de s'approprier ces éléments-là et de se confronter aussi à la réflexion que Mike a à l'intérieur du récit, parce que reste que sur l'avenir de l'humanité, sur la nature de la vie, de la mort, de l'être, le bien, le mal, tu vas chercher des thématiques quand même assez denses ouais. et assez confrontantes dans une certaine mesure, en fait. Mais c'est des choses qui sont quand même actuelles aussi. Là. On vit ça aujourd'hui dans la société en ce moment. On peut se poser des questions sur la pérennité de la race humaine, sur l'avenir de la Terre, l'avenir de l'humanité, sur nous-mêmes, nos actions là-dedans, puis comment est-ce qu'on agit pour nous-mêmes? Est-ce qu'on agit pour d'autres gens? Est-ce qu'on agit pour l'ensemble? Est-ce qu'on agit... C'est toutes des questions qu'on peut se poser. En fin de compte, je tiens ici à faire un petit aparté, juste pour répéter à tout le monde que je demeure quelqu'un qui est athée, et la religion là-dedans n'est qu'un subterfuge scénaristique pour utiliser des personnages qu'on connaît ou dont on a déjà entendu parler ou qui sont déjà bien campés dans un esprit très manichéen du bien et du mal pour après pouvoir les corrompre et m'amuser avec eux pour en créer un récit qui est intéressant. Je veux juste pas que les gens pensent que c'est aussi dogmatique la Bible ou qu'une quelconque religion. Je suis absolument non religieux, donc je veux pas... Mais j'utilise les personnages parce que je trouve que les personnages sont plus grands que nature et sont intéressants. Oui, bien, en fait, pas tout le monde les connaît. Quand on parle de Dieu, du diable, d'un archange, je veux dire, on se fait une idée de facto, peu importe notre héritage religieux, et d'autant, évidemment, si notre héritage intègre ces figures-là, mais c'est des archétypes qui oui. sont déjà porteurs. Et donc, quand on arrive, parce que là-dedans, on peut le mentionner, on le rencontre, le diable, à un moment donné, oui. T'as pas besoin d'expliquer c'est qui. Je veux dire, on dit le diable et ça parle à tout le monde, c'est clair, c'est le mal, il y a pas d'équivoque. C'est ça, exactement, là. On le sait, mais il est très pernicieux, il est presque sympathique, il est à l'écoute, contrairement à Dieu, qu'on ne nomme presque pas là-dedans, parce que je ne voulais pas nommer un Dieu en particulier, je voulais que ça puisse être comme tous les dieux, que tout le monde puisse se sentir concerné là-dedans, mais lui n'intervient jamais, alors que Satan, lui, se mêle des choses, puis essaie de bien paraître, essaie de séduire, et vraiment fait quelque chose de très... très Satan dans ce sens-là. Et d'ailleurs, ce dialogue-là, cette rencontre entre ton personnage principal et le diable, ça prend une place quand même importante à l'intérieur du récit, et c'est un dialogue qui aurait pu être assez dense aussi. J'imagine que c'est le genre de truc que t'écris, et après ça, quand t'arrives côté mise en scène, OK, comment je vais réussir à rendre ça dynamique, à mettre ça en image, puis à pas que ça fasse tomber le rythme de la BD à plat, mais qu'au contraire, ça l'amène d'un point à un autre? C'est toujours une très bonne question. Je pense qu'il y a des gens qui ont des théories incroyables là-dessus. Il y a des gens qui vont échafauder des carnets et des carnets pour établir quelque chose de bien. Moi, je suis très impulsif. J'improvise beaucoup. Tout le texte était écrit. J'ai écrit ce texte-là dans les années, je pense au début de 2010 ou quelque chose comme ça. Ça m'est sorti assez relativement d'un coup. J'avais l'idée de l'histoire en tête. J'ai tout écrit. Les dialogues étaient écrits et tout. J'en ai rajouté peut-être un petit peu là, au fur et à mesure en réalisant le truc. Mais tu vois, cette discussion-là existait, puis tout ça. Puis je pense que j'avais besoin d'une espèce d'endroit où c'était très grand, où c'était très vaste, puis où là, ils se disaient les vraies choses. Puis, mais en même temps, tu sais, j'ai pas passé des années à figurer où est-ce que ça se passe, comment ça se passe, comment je rends ça dynamique ou quoi que ce soit. Ça marche ou ça fail avec moi. Et puis en même temps, il y a deux éléments qui m'ont beaucoup... happé, si on peut dire, dans ta manière de mettre en scène cet épisode-là, et qui pour moi font partie des éléments qui font que ça marche, là, parce qu'on fera pas de spoiler, tu réussis à le rendre intéressant, ce dialogue-là. Dans le fond, d'un côté, il y a pas de case, c'est l'album lui-même est de toute façon un peu déstructuré, on s'amuse un peu avec l'architecture, si on peut dire. Mm-hmm. Et donc, tu arrives dans cette section-là, les mots, des fois, prennent prédominance un peu, occupent l'espace, deviennent un peu, j'irais pas dessin, mais sont très présents. Et en même temps, le choix que tu as fait de mettre ton diable multiforme. Ouais. Donc, où il change d'apparence au fur et à mesure du récit, change de position. Donc, ça amène aussi, dans le fond, un jeu de surprise ou une certaine chorégraphie, si on peut dire, autour des mots qui sont... au cœur, j'ai l'impression, de tes pages. Absolument. Puis quelqu'un me mentionnait, là, est-ce qu'il y a un sens aux différentes formes que le diable prend? S'il y en a, c'est peut-être inconscient, mais il y a peut-être effectivement un lien entre qu'est-ce qu'il dit, ce en quoi il se transforme. Effectivement, c'est une simple discussion entre deux personnages qui se regardent face à face et qui ne font que pérorer l'un et l'autre. Ça peut devenir très lassant. Là, tu as cette espèce d'élément-là qui dynamise les choses. Le fait que ça se passe aussi dans un paysage qui est relativement grandiose, puis où il y a une espèce de vue sur l'ensemble de l'œuvre, si on veut. Ça aussi, je pense que ça sert le fait qu'il est en train de se poser des questions plus grandes que lui-même, puis il est dans un paysage qui est plus grand que lui-même aussi. Puis, comme tu dis, il y a beaucoup de textes, contrairement peut-être au premier album, qui était très économe de ce côté-là, puis dont j'ai lu certaines critiques où il disait, ben c'est le fun parce qu'il y a, à place des mots, il a su nous faire comprendre ces choses-là. Là, j'ai pas été subtil comme ça. C'est un dialogue. Il fallait que les choses se disent, puis il fallait que les gens se confrontent. Mais j'espère, en tout cas, avoir rendu ça quand même assez le fun. Puis effectivement, le dialogue vient délimiter l'espèce de case, si on veut, là, souvent. Là. Oui, puis en même temps, c'est veut pas les albums dans la même série. En fait, pour moi, il y a pas une obligation que ça soit des copier-coller d'ambiance et le reste. Donc, chaque album peut se distinguer. On parlait d'introspectif, de réflexif. J'imagine que le troisième, tu nous amènes dans un autre beat aussi. Je suis content que tu dises ça, parce que le troisième, c'est un autre truc complètement. Aussi. Puis dans le fond, c'est ça qui fait que c'est une trilogie plutôt qu'un album qui, oui. Je veux dire, il y a un élément distinctif, il y a quelque chose qui nous surprend à chaque album. Dans le fond. Définitivement. Cette scission-là existait dès le départ, dès ma réflexion sur le livre. L'idée était d'en faire une trilogie. Cette trilogie-là avait quand même des moments très distinctifs aussi dans ce que Mike vit, dans l'esthétique aussi, puis dans l'endroit où ça se passe, puis comment les choses se passent. Fait que effectivement. Oui. Et c'est un album, un récit. Si les gens qui nous écoutent passent en librairie, le parcours, t'as fait le choix de le mettre sur fond noir. Et dans le fond, il y a quelque chose qui est un peu étouffant, glauque, mais dans le bon sens, parce que ça nous amène, ça nous happe dans l'ambiance et dans l'état d'esprit de ton personnage. Et je me dis, dans le fond, c'est peut-être en grande partie dû au fait, justement, que c'est sur fond noir, qu'il n'y a pas d'espace, ou qu'il y a un petit moment où il y a des nuages, il y a un petit moment où il y a une épée lumineuse, mais sinon, le fond est toujours sombre, et on n'est pas habitué à ça comme lecteur. Il y a toujours le blanc qui nous fait respirer, et dans ce cas-ci, il n'y en a pas. Donc... Je vais reprendre sur une chose là-dessus. Chacun des fonds est coloré. Il y a un gain de presse, évidemment, à l'impression qui fait qu'ils deviennent très, très près du noir. Mais tout de même, chacun des fonds et rehaussé à la couleur qui est dominante de cette page-là ou de cette séquence-là. Chacune des séquences comme ça qui se passent, si on veut, des scénettes, a une espèce de coloration. Si on veut, la première, je vais te donner l'exemple de... Oui, mais je suis en train de le voir, oui. L'amorce de l'album qui se passe au ranch, c'est une prédominance très orangée et brun, et le fond est un brun foncé, mais très foncé, c'est presque noir. Puis, si tu regardes le personnage qui rencontre Famine est noire. Mm-hmm. Puis tu vois alors là le décalage entre le fond et... Oui, puis, puis on le voit avec le vert. En fait, quand on met côte à côte, ça tranche, mais quand on est dedans, on le remarque peut-être un peu moins. Exactement. Je te dirais que c'était plus présent à l'écran quand je l'ai fait. Il y a un gain de presse qui fait que ça foncit un peu, mais en même temps, je suis vraiment pas déçu du résultat qui, justement, a fait en sorte que c'est devenu un petit peu plus dark, puis ça se marie bien, justement, avec le propos, si on veut, de l'album. Oui, puis ça fait des beaux effets, parce qu'il y a des moments où on a presque l'impression qu'il y a un bout de casque qui a été arraché pour donner corps au personnage, que les décors viennent des masses sombres qui viennent happer un peu des segments de cases. Donc, il y a un jeu d'ombre qui, visuellement... Je trouve ça vraiment attrayant. Là. Ben c'est ça, je voulais pas une couleur contour noir tout simplement, puis arriver avec de la couleur à l'intérieur des cases parce que ça délimitait trop les dessins. Tandis que là, le contour se blende dans l'image. J'utilise cette couleur-là dans les images aussi. Des fois, on n'a que le personnage qui a l'air d'être carrément perdu dans la couleur de fond de l'image. D'autres fois, il y a des formes qui se... J'ai vraiment travaillé beaucoup sur un visuel très simplifié, mais qui, selon moi, est compréhensible rapidement, de façon à faire en sorte que l'histoire coule bien, puis que les gens, justement, il est quand même assez verbeux comme album, puis il y a du stock, il y a quand même, c'est le nœud de l'histoire, fait que je voulais pas non plus que les gens perdent du temps à regarder des détails sur plein de trucs, là. C'est l'histoire se raconte puis se démontre de manière assez simple. Oui, en fait, il y a un côté ambiant, dans le fond. Pour moi, c'est un album ambiant. Oui, OK. En fait, dans le sens positif du terme encore, là, mais avec justement, c'est dans les premières pages, bon, avec la dominante orange, la chaleur, après ça, on passe vers le vert. Il y a des séquences, d'ailleurs, dans la séquence du vert, le train, la découverte du train, des cars, mm-hmm. ces éléments-là, on dirait que c'est glauque et le choix du vert vient amplifier ça. Et oups, après ça, un petit lueur d'espoir, un petit peu de blanc qui devient perméable. Après ça, on retombe dans le sombre. On retombe dans le mauve et la folie. Oui, effectivement. Et j'ai l'impression que... Est-ce que ça a été un peu instinctif dans le choix des couleurs ou t'as quand même essayé de faire un code, de voir un peu sur le type d'ambiance, les éléments que tu veux mettre en évidence? Parce que, je veux dire, c'est l'enjeu de la couleur là-dessus, c'est majeur dans cet album-là pour moi. Il y a vraiment un lien entre la couleur et ce qui se passe. Je te dirais pas que je ferais une thèse d'université sur pourquoi j'ai choisi. Le truc, c'est pas encore là, je te dirais, c'est relativement instinctif, mais en même temps, quand on arrive au train, puis qu'on rencontre la mort, à ce moment-là, la mort est un pale rider qui est vert pâle, je veux pas trop en dire, mais quand même, je dévoile ça. Allez. Puis, mais tout est teinté de vert, tu sais. Il y a une raison, là. Si le personnage avait été mauve, ça aurait pas été cette ambiance-là, tu sais. Ça aurait été un autre truc. Fait que ça faisait du sens pour ça. Un autre truc que je tiens à souligner, bien humblement, dans ma carrière, j'ai fait des trucs dont je suis relativement fier, des trucs que je trouve corrects, des trucs que j'ai fait. Puis, je les renie pas. Mais le début, l'amorce de ce livre-là, je l'adore. J'adore le côté cinématographique, visuel, qui commence tranquillement avec cette espèce d'atmosphère orangée, puis qui mène au... J'aime beaucoup, beaucoup l'amorce du deuxième livre. Oui, puis je trouvais, en fait, justement, de commencer comme ça, pour moi, ça nous remet dans le beat. Dans le fond, le premier livre était délibéré. Je trouvais exact. Que c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qu'on pourrait penser qu'on pourrait débouler rapidement, mais on n'est pas capable parce que, justement, il y a comme quelque chose de délibéré dans la manière dont amène les choses. On sent que Mike, il est pressé, mais il est pressé lent. Si on peut dire, il prend son temps quand même, il observe, il avance doucement, et les premières pages nous mettent un peu dans ce beat-là, si tu me permets l'anglicisme. Il est sous une pression, il y a quelque chose qui se passe, il comprend pas tout à fait ce que c'est, puis en même temps, il s'en fout dans le premier livre. Mm-hmm. Donc, il n'y a pas cette espèce d'urgence-là. Il sait qu'il se passe quelque chose, il comprend qu'il va peut-être falloir qu'il fasse quelque chose, mais en même temps, il n'est pas pressé de le faire parce qu'il s'en fout. Il se rend compte qu'il a été délaissé, qu'il est oublié, puis pourquoi est-ce que je me casserais la tête pour les autres? Dans le deuxième, l'urgence devient un petit peu plus présente, encore plus palpable, puis à ce moment-là, ben, on sent qu'il faut Il faut qu'il agisse, mais il y a un côté inéluctable, en fait, où il sait que il sait un peu à l'avance quand les choses arrivent. Donc, il y a un côté... l'espoir meurt tranquillement, dans le fond, dans cet album-là aussi, autant pour lui que pour nous. Et sincèrement, on se demande où tu vas nous amener dans le troisième aussi, là, mais... Le crescendo arrive un peu pour moi par l'absence un peu d'espoir, mais face à cette absence d'espoir-là, la réaction aussi de ton personnage qui va visiblement devenir un game changer en cours de route. Oui, absolument. Puis effectivement, le crescendo est amorcé dans le premier album où il rencontre la mariée, puis on sent qu'il y a quelque chose, mais tu sais, c'est peut-être pas aussi palpable. On rencontre le guerrier, et le guerrier, lui, on voit le résultat de ses actions. Quand on arrive dans le troisième, là, la famine, la mort, comme tu dis, ça devient vraiment très glauque, très, très dark. Puis là, on se dit, est-ce qu'il y a encore espoir? Est-ce qu'il peut encore s'en sortir? Est-ce que Mike a ce qu'il faut pour le faire? Est-ce qu'il est outillé pour? Est-ce qu'il a le support dont il a besoin? Puis lui-même se pose exactement les mêmes questions. Et peut-être mentionnons aussi le casting de tes quatre antagonistes, si on peut dire. Comment ça s'est bâti? Parce que, dans le fond, d'un côté, tu as les archétypes religieux, en fait, biblique, avec, en gros, l'Apocalypse de Saint-Jean et le reste. Mm-hmm. Et parallèlement, tu as l'imaginaire de l'Ouest. Donc, j'imagine que le défi a été de faire un peu une adéquation entre quelque chose qui fit un peu avec l'archétype biblique, oui, mais qui cadre aussi avec l'ambiance de l'Ouest. Oui, absolument. C'est ça. C'est de trouver des personnages qui allaient incarner ces quatre personnages-là. Ça a été quand même une réflexion. Je me suis posé la question, qu'est-ce que je voulais? Je voulais qu'il y ait deux femmes là-dedans. Je voulais qu'il y ait des personnages qui soient diversifiés. C'était important pour moi aussi qu'ils représentent l'époque, qu'ils représentent les westerns, mais qu'ils soient incarnés de leur espèce de destin destructeur, là. Et donc, j'ose toujours, en fait, c'est toujours difficile de parler d'un milieu ton, parce que je ne sais pas si les auditeurs ont attrapé un peu au premier, mais dans le fond, on le disait d'entrée de jeu aussi, le troisième va arriver rapidement, donc dès novembre, cette année, on va avoir en main les trois tomes de ta série. Exactement, oui. Donc ça déboule rapidement pour cet automne. J'imagine que pour toi aussi, de savoir que l'échéance approche où on va avoir accès à tout ça, pour toi, c'est on ferme une grosse parenthèse de travail qui s'est étendue sur une bonne période. Tu vas avoir c'est incroyable, j'ai vraiment hâte là, qu'on boucle la boucle, que les personnes puissent, que les lecteurs, que tout le monde puisse avoir accès à l'ensemble de l'histoire, que les gens puissent me donner des feedbacks sur tout ça. En ce moment, le plaisir que j'ai, c'est que je demande aux gens qui ont terminé le deuxième album, où est-ce que tu penses que ça s'en va après? Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? J'essaie de voir si c'est prévisible ou pas, s'ils vont comprendre qu'est-ce qui se passe et tout ça. Mais pour l'instant, je dirais que pour la plupart des gens, la surprise d'avoir lu le premier tome puis de se demander qui étaient les deux personnages qu'ils rencontraient, les deux personnages principaux qu'ils rencontraient, puis de découvrir le deuxième album puis de finalement comprendre, ah ouais, ok, là j'ai compris qui est-ce que c'est, puis je comprends qu'est-ce qui se passe, mon Dieu, où est-ce que ça s'en va. Puis à date, les feedbacks que j'ai eus, ben je suis content. Oui, puis en fait, j'encourage les gens, puis même si on le sait, parce que là, on en a parlé, on a dévoilé des éléments, mais ça marche quand même. Il y a un crescendo, on se laisse emporter par l'ambiance. Donc, si les gens qui nous écoutent se demandent ou se disent, est-ce que ça vaut la peine, j'endosse activement cet album. Donc, deuxième tome de Rédemption de Leaf Tan, c'est chez Glénat. Et Leaf, en fait, on va faire une trilogie d'entrevues aussi, donc on se redonnera rendez-vous peut-être pour le troisième tome un peu après sa sortie, puis on pourra faire le point un peu sur cette trilogie-là. Avec plaisir. Est-ce que je peux prendre le temps de faire une petite pause publicitaire pour annoncer qu'il va y avoir le salon de la bande dessinée et de l'image à Place des Quatre Bourgeois, à Sainte-Foy. Puis je vais être là pour signer des albums, dont le Rédemption, le tome 1 et le tome 2. On n'aura pas le tome 3 disponible encore, ça va seulement être au Salon du Livre de Montréal qui va sortir, mais je ferai une sortie à Québec. Mais j'ai des séances de dédicaces qui sont prévues pour le salon de la bande dessinée de l'image à Place des Quatre Bourgeois. Rappelle-moi les dates. C'est le 26 et le 27 octobre. Alors, une belle occasion pour aller poursuivre, en fait, parce que là, on a un dialogue, mais aller le poursuivre avec toi, si les gens veulent continuer à en jaser, c'est possible de le faire. Absolument. Du côté de Place Quatre Bourgeois, donc le 25-26 octobre prochain. Il y aura peut-être un lancement aussi à Québec pour le troisième tome, pour le deuxième. Absolument. Donc, à suivre de ce côté-là. Leaf Tan, merci beaucoup. Hey, un gros merci à toi. Puis on se dit à bientôt. Oui, à très bientôt. Alors, je rappelle donc Rédemption, tome 2, La famine et la mort, c'est de Leaf Tan, c'est du côté des éditions Glénat. sur CKRL 89.1 et on plonge maintenant vers un album jeunesse. On connaissait déjà la série de par sa prépublication dans Spirou. Maintenant, on le découvre format album. Ça nous arrive du côté des éditions Dupuis. Le dessin de Pascal Corpron, le scénario de Jocelyn Boisvert. Ça s'appelle Mort et déterré. Premier tome, Un cadavre en cavale. Et pour en jaser, ben l'auteur est avec nous en studio. Jocelyn Boisvert, bonjour. Bonjour. Alors, Mort et déterré, c'est d'abord en fait un roman jeunesse. Depuis cet automne et même un peu avant dans Spirou, c'est une série BD. On suit un adolescent mort, devenu mort vivant et peut-être avant de se lancer vers la BD elle-même, je pense qu'il faut remonter aussi à la genèse de l'idée de la série. D'où était venue l'idée de nous proposer ce type de récit-là? L'idée d'un mort vivant gentil, parce que c'est vraiment c'est ça une peu distinction importante d'ailleurs. Oui, c'est vraiment un mort vivant bien intentionné, qui a encore plein d'espoir, plein de projets, puis mais qui est quand même un cadavre en décomposition. Donc il y a tous les désagréments un petit peu de la mort et en fait, je me souviens, j'aime bien les films d'épouvante et en particulier les films de zombies. Puis des fois, tu les vois sortir de terre, tout ça, puis ils sont toujours très vilains, très méchants, puis ils veulent arracher la tête de leur prochain, idéalement manger leur cervelle, ce genre de choses-là. Puis je me disais, si moi, ça m'arrivait, tu sais, si j'étais enterré, je sais pas pendant combien d'années, dans mon cercueil, et j'avais l'opportunité de pouvoir en sortir... Il me semble que je serais pas particulièrement agressif ou je serais plutôt comme touché de pouvoir revoir un arbre, le soleil, la vie, les gens. Et je serais vraiment porté aussi à me dire, mais qu'est-ce qui est advenu des gens que je connais, tu sais, les êtres chers et tout. Donc, je suis vraiment parti de cette base-là pour écrire le roman. Et donc, c'est vraiment l'idée. Enfin, on prend contre-pied les stéréotypes de zombies et même, à la limite, le personnage principal, Yann, devient victime de ces stéréotypes. Tout à fait, parce que c'est lui qui est chassé. Dans le fond, c'est lui. Lui, il est vraiment le... Il est pas du tout le chasseur dans cette histoire-là. Où, je veux dire, la population, les gens... De selon leur réaction, tout ça, lui, il faut vraiment qu'il se cache puis qu'il... Et ce qui est intéressant, puis c'est important de le signaler parce que ça transparaît aussi beaucoup et ça ressort beaucoup dans la bande dessinée. J'ai l'impression que c'est pratiquement un récit et une approche d'équilibriste, autant pour vous que pour Pascal Colpron, dans la mesure où c'est il y a un petit côté récit horrifique, mais c'est pas un récit horrifique, c'est pas une comédie non plus. Tout à fait. C'est un récit qui est sensible, humain. On aborde des thématiques qui sont pas évidentes. Il y a du surnaturel, il y a du rire aussi. Oui, oui, comme du grand guignolesque un peu aussi dans tout ça. Il y a du drame. Vraiment, on rentre dans l'amitié, on rentre dans la famille, on rentre dans... Il y a même un aspect existentiel un petit peu à la bande dessinée sur le fait de qu'est-ce qu'être en vie. Lui, c'est un mort-vivant. Est-ce qu'il est encore en vie ou est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il... T'sais, il y a toutes ces questions-là. En même temps, il y a beaucoup d'action. Il y a beaucoup d'action. Je m'amuse parce que là, bon, j'ai un personnage de zombie qui ne ressent pas la douleur, qui peut... carrément perdre des membres et ça lui fait rien, mais c'est un peu embêtant quand même, parce que quand on lui arrache la main, dans la bande dessinée, à un moment donné, il y a un chien qui lui arrache la main, mais il veut quand même pouvoir retrouver sa main. Oui, puis ça, c'est un petit bout grand guignolesque, justement, qu'on parlait là-dedans, mais on est là-dedans. Là, avec... Ben, complètement, et c'est parfaitement assumé, parce que quand j'ai commencé à écrire le roman, je me suis comme dit, ah, ça va être intéressant, les aventures un peu folles, un peu déjantées, d'un mort-vivant gentil. T'sais, puis c'est un peu mon côté ado attardé, je vais vraiment me faire plaisir avec ça. Mais quand j'écris le roman, en fait, c'est que je suis devenu papa. J'ai eu deux enfants. Pendant que j'étais dans l'écriture, l'écriture, c'est quand même échelonné sur 4 ans, okay. Le roman. Donc là, au début, c'était un adolescent de 13 ans qui se fait frapper par un camion dans le roman. C'est comme ça que le héros meurt. Là, je me disais, mais c'est plus aussi drôle. Puis aussi, je me disais, là, il y a tout un volet vraiment émotif qui venait. Où, c'est le fait que je sois devenu père, vraiment, qui a amené une facette vraiment plus émotionnelle au récit que j'ai gardé dans la bande dessinée. Oui, puis en fait, je veux dire, c'est que c'est absolument... je parlais du jeu d'équilibrisme, mais justement, les séquences que vous amenez, il y en a deux particulièrement frappantes dans le tome 1. Juste le début, justement, après la mort, toute l'extrapolation, on voit les réactions des proches et on se projette un peu dans l'idée, justement, de perdre un enfant à un âge où la vie commence. Exactement. Et parallèlement, il y a une autre séquence où, et on l'a un peu introduit dans en entrée de jeu, l'idée de revoir ses proches, de revoir où les gens en sont, et là qu'on redécouvre sa famille, sa maison, mais à travers les yeux de Yann. C'est des moments, je veux dire, c'est des moments d'émotion véritable qu'il y a à l'intérieur de ça. Écoute, tout à fait. Juste pour vous dire, comme là, le deuxième est vraiment en chantier, il est presque terminé. Puis mon dessinateur, Pascal Colpron, il m'a dit, j'ai lu ton scénario, j'ai versé une larme carrément là, tu sais, fait que l'émotion elle doit être véritable, là. C'est vraiment quelque chose d'important, même si des fois quand on regarde les aventures, c'est quoi, tu dis mais c'est complètement fou. Puis je viens de terminer de la scénarisation du troisième, puis j'utilise pas le qualificatif grand guignolesque pour rien, j'y vois quand même assez fort. Puis quand j'écrivais les dernières pages, mais l'émotion m'a saisi encore parce que ça reste la mort d'un adolescent. Oui, puis j'ai l'impression que sans ces éléments-là d'émotions vraies, profondes, le reste, enfin, on tomberait peut-être un peu trop du côté drôle ou du côté malaisant, puis en même temps, on s'attacherait moins à ce personnage-là. Exactement, ben, tout à fait. C'est l'essence du pourquoi on a envie de suivre cette histoire-là, c'est à cause de ces moments-là. Ben, je pense que, tu sais, moi, je suis de la génération un peu E.T., l'extraterrestre, ces films-là, les films des années 80, Spielberg, puis j'ai un ami qui m'a dit, mais ça ressemble un peu à E.T., ton histoire, tu sais, c'est comme, c'est un extraterrestre, il se passe plein de choses, mais E.T., c'est fort, c'est un film sur la famille, on suit toujours l'histoire. L'histoire, je la prends très au sérieux, en fait. Tu sais, c'est vraiment un gros drame, il y a de la violence aussi, c'est intense, mais je me permets quand même des touches de fantaisie. Et en littérature, on dirait que c'est du réalisme magique, d'une certaine façon. Exactement, c'est tout à fait ça, oui. Et l'ancrage émotionnel nous amène la partie réaliste, et ensuite, ben après ça, on dirait que comme lecteur, on accepte aussi plus rapidement la prémisse, parce que vous la prenez, vous le lisez avec sérieux, oui. C'est abordé comme ça, le fond est vrai, puis après ça, oups, il y a des moments plus légers, mais où on perd pas le sens humain dans le fond du récit. Non, exactement, mais les touches d'humour, pour moi, demeuraient quand même importantes dans tout ça. De voir, il y a quasiment de la comédie de situation, même parfois, là, à un moment donné. Lui, il est rentré dans son domicile, clandestinement. Ses parents, sa sœur arrive, il faut qu'il se cache. Il y a même un policier qui débarque dans la maison, là, il sauve par la fenêtre. Fait que pendant que le policier s'explique, lui, on le voit tomber par la fenêtre. T'sais, ce genre de petits clins d'œil-là ou de scènes-là m'amuse quand même beaucoup. Je veux la prendre au sérieux, mais je veux pas que ça devienne lourd, en exact, fait. Exact. C'est à peu près ce que j'allais dire, dans la mesure où sans cette séquence-là, où la séquence elle-même d'entrée à la maison, c'est dense, c'est intense. Après ça, oups, on désarçonne un peu. On désarçonne, on passe à un autre élément. Puis ça crée un peu un roller coaster, si on permet l'anglicisme là-dedans. C'est tout à fait ça. C'est vraiment l'histoire que j'avais envie de raconter, que j'ai fait dans le roman. Puis je me souviens, quand j'écrivais le roman, j'étais vraiment dans mon histoire, puis je me disais, est-ce que ça a un certain intérêt, ce que je suis en train d'écrire, parce que c'est un peu fou? Est-ce que les gens vont vouloir embarquer, vont vouloir se glisser dans la peau d'un jeune zombie qui essaie de retrouver ses repères, de retrouver sa famille? Honnêtement, je le savais pas. Je savais qu'à moi, ça me plaisait, mais est-ce que j'allais trouver un écho chez les lecteurs? Mais finalement, oui. Parce que quand je raconte cette histoire-là, ça plaît immédiatement. Puis là, on est déjà en pour parler pour peut-être une adaptation en série télé ou en film. Chose que moi, j'ai toujours vue dès la sortie du roman. Je me suis dit, mais je pense que ça ferait un excellent film. Oui, mais en fait, il y a une notion d'allégorie, ouais. J'ai l'impression, parce que veux pas, si le public, au départ, ça reste une BD jeunesse qui est lisable pour tout le monde, je pense que les parents, les grands-parents vont l'aimer. C'est tout public. C'est tout public, mais dans le fond, le public de départ est en questionnement. Je veux dire, on se questionne par rapport à la famille, on se questionne par rapport à la vie, par rapport à l'avenir. Oui. Alors, le fait de l'amener par le biais, dans le fond, d'un personnage zombie, d'une situation surnaturelle un peu irréaliste, oui. Ben, vous permet d'aborder des grandes thématiques par la bande, dans le fond. Exactement. Oui, oui. Puis, il y a une chose dont je suis assez fier, c'est que les gens se demandent toujours, je pense... Ça a peut-être été votre cas après la lecture du premier tome, là. Mais il va se passer quoi? Oui. Il va se passer quoi? Puis quand j'écrivais le roman, dès le premier chapitre, je présente mon héros, il est sympathique, l'avenir lui appartient, bam, il meurt. Fait que là, on fait, bon, OK, le roman à 400 pages, il se passe quoi après? Puis moi, en écrivant, la seule chose que j'avais en tête qui était importante, c'était vraiment, je veux que ça soit étonnant. Je veux que ça soit surprenant. Même moi, je devais me surprendre. Puis je pense que c'est ce qui tient un peu les lecteurs en haleine un peu, parce qu'on se dit, OK, c'est intéressant cette histoire-là de zombie, mais il va y arriver quoi? Pourquoi il est revenu? Puis sa famille va réagir comment? Quand finalement ils vont se revoir? Vont-ils se revoir? On le sait pas non plus. T'sais, c'est tout ça qui fait... Puis comme auteur, quand on a ça, quand on sait que on a un peu la curiosité du lecteur, on l'a piqué, on le sent, on le sait un peu... C'est comme un petit peu jubilatoire, en fait. Et j'imagine qu'après ça, on tombe dans la dynamique entre la BD et le roman, où le roman, sur 400 pages, on dévoile, on amène. Sur la BD, on est en format tome, donc faut trouver, dans le fond, un cadre et différentes arcs. Ouais. Et éventuellement, se dire, OK, j'ai besoin de combien d'histoires, à quel moment je vais amener quel épisode. Donc, comment s'est passé peut-être un peu l'attention, parce que c'est une adaptation, on passe d'un médium à un autre, là, même si ça reste littéraire. Oui, c'est un médium à un autre, mais c'est super intéressant. J'ai adoré faire ça. Je me dis, comme écrire en phrase une histoire ou la décrire en cases, c'est vraiment complètement différent, ces deux choses. Et moi, je n'ai même pas relu le roman pour l'adapter en bande dessinée. Parce qu'il y a des choses, il y a des changements que je voulais faire. Puis tu veux faire un petit changement à l'histoire, ça a énormément de répercussions sur le reste. Et comme c'est du franco-belge, c'est de la bande dessinée franco-belge, c'est le format classique, on parle de 46 pages. Je voulais pas déroger à ça. C'est ma première bande dessinée chez Dupuis. On fait un 46 pages. Donc, je dois trouver une histoire complète, très ouverte aussi, mais qu'il y a quand même comme une unité quand même que ça se referme. Donc, qu'est-ce que je vais aller chercher? Donc, ça a été carrément tout réécrit, réinventé, même mon histoire. Mais c'est exactement les mêmes thématiques. C'est à peu près les mêmes personnages, mais pas tous. Je pense qu'il y aurait une analyse vraiment intéressante à voir. Qu'est-ce qui se passe dans le roman? Qu'est-ce qui se passe dans la BD? C'est un peu les mêmes choses, mais comme on apprêtait différemment. Et j'ai l'impression que si ça avait pas été Jocelyn Boisvert qui a fait l'adaptation lui-même, qu'un autre scénariste aurait peut-être pas osé aller autant. Mais c'est ça qui est intéressant, parce que si moi-même, attends, on m'avait proposé, Jocelyn, est-ce que tu pourrais adapter tel roman? Est-ce que j'aurais eu cette liberté-là de, mais là, je me dis, mais c'est mon matériel à moi, donc je peux bien faire ce que je veux. Et puis, le roman, ça fait longtemps que je l'ai écrit. Ça fait 11 ans qu'il est paru chez Soulière Éditeur. J'ai pas relu le roman. Donc, c'est quand même une histoire qui m'habite encore depuis tout ce temps-là. Moi, j'ai vieilli, j'ai changé comme tout le monde. Donc, j'ai envie de la raconter différemment. Puis, il y a une chose importante, c'est quand j'ai écrit le roman, moi, je voulais faire une série de romans jeunesse. Et j'avais envoyé le premier épisode à mon éditeur qui l'avait trouvé très, très bon. Puis lui, il se demandait, il dit, oui, mais Jocelyn, mais il va se passer quoi avec ton mort-vivant, avec ton zombie? C'est la grande question. Là, il dit, est-ce qu'il va retourner à l'école? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, il m'a un peu obligé à compléter l'histoire. C'est pour ça que ça m'a pris beaucoup de temps. Là, ça s'est échelonné sur 4 ans. Et je suis extrêmement satisfait du résultat, mais un peu frustré en même temps, parce que moi, je voulais vraiment faire une série en me disant, je vais m'écrire un épisode par année, ça va être bien. Donc, avec la bande dessinée, je prends un peu ma revanche, si on veut. Et là, je fais vraiment une série. Et le fait, en fait, de ne pas retourner au roman, de pas dire, bon, OK, je vais ouvrir mon truc, je vais faire un découpage du texte, de s'en distancer, est-ce que c'est venu un peu de soi parce vous avez pas envie, dans le fond, de vous encarcaner dans quelque chose de déjà fait, mais de prendre le même récit, de l'amener différemment? Mais je pense qu'il y a toujours un piège quand on veut faire une adaptation un peu trop littérale, c'est que parfois on est amoureux un peu de nos dialogues, de telle scène, puis on fait « Ah oui, ça va être bon ça, ça je la vois la page, elle va être parfaite », mais la page est peut-être un peu optionnelle dans l'histoire, tu sais, peut-être qu'elle freine un petit peu le rythme ou ce genre de choses-là. Donc en reprenant tout à neuf, en ayant ce que j'ai à l'esprit, l'histoire que je veux raconter, puis aussi avec la nouvelle façon que je veux raconter, je suis complètement libre, en fait. J'aurais eu peur de juste regarder un peu, puis je me connais, parce que chaque fois qu'on trouve une scène qui est intéressante, on fait « Ah, ça vaut peut-être la peine un petit détour pour faire cette scène-là. » Je pense que non, en fait. Je pense que ça vaut rarement la peine. Et puis j'imagine qu'il y a un défi aussi où on se dit « Ben, il y a moins de mots, je veux dire, il y a plus... Le visuel vient, disons, diminuer l'importance du texte. » Exactement. Ou créer une relation différente avec le texte. Donc, qu'est-ce qu'on présente, qu'est-ce qu'on présente pas? Comment s'est passé un petit peu ce côté-là, justement, dans ce passage-là vers le visuel? Est-ce que ça a été beaucoup avec Pascal Colpron ou... Non, ça s'est vraiment fait de mon côté, seul. J'ai tout rédigé le scénario. Ce qui est intéressant, c'est que le roman est écrit à la première personne. Donc, on est dans les pensées du mort-vivant et mon mort-vivant, il grogne, mais il râle un peu, mais il s'exprime pas. Il n'est pas capable de parler. Donc, ça, c'est un changement énorme. Si je fais une bande dessinée, j'ai quand même réfléchi. Je dis, est-ce que le personnage peut ne pas parler et communiquer par écrit à chaque fois? Je dis, non, mais ça va être épouvantable. Donc, juste ce petit changement-là, de dire, OK, mais mon mort-vivant, il parle. C'est énorme ce que ça implique comme répercussion sur ce qu'il peut faire. Puis sur l'ensemble du récit, l'ensemble des situations, ça change déjà tout. C'est ça. Donc, si mon zombie parle, après ça, déjà, juste avec ça, je peux plus tellement coller aller sur le roman. Puis comme c'est une bande dessinée chez Dupuis aussi, je voulais un peu plus d'intrigue dans la bande dessinée au lieu de se faire frapper par un camion, ce qui est le cas dans le roman. Là, bon, il se fait poignarder par un petit revendeur de drogue. Chose qui est très intéressante au niveau de l'intrigue, parce que lui, il n'a jamais été attrapé, on le connaît pas, là, on sait pas qui est l'assassin de Yann Fauché, le personnage. Mais quand Yann sort de son cercueil, lui, ben, il s'en souvient de sa face. Il l'a pas oublié, donc ça peut donner... des scènes vraiment intéressantes. On ajoute des éléments d'intrigue. Ouais. Il y a la famille aussi qui a ses réactions, les amis. On explore un peu ça. Puis c'est évidemment, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de portes qui sont ouvertes dans le premier tome. Donc après ça, c'est de voir à quel moment aussi on les referme. Parce que si on est sorti du livre, mais ça ira pas nécessairement non plus au même rythme pour les éléments fermés, les autres éléments qui vont s'ouvrir, j'imagine aussi. Exactement. Il y a un premier cycle. Comme là, comme je vous ai dit, j'ai terminé la scénarisation du troisième. Ça va clore un premier cycle. Donc, il y a une partie de l'histoire qui se termine un peu, mais j'ai ouvert une immense porte parce que je veux pas que ça se termine, moi. Je vais en faire plein. Oui, puis dans l'enfant, c'est tombé directement chez Dupuis puis chez Spirou. Donc, on arrive avec, j'imagine, une logique de trois tomes. On voit comment ça fonctionne. C'est un peu ça. Puis là, ça fait comme un mois et demi, je pense, que c'est sorti en Europe. Ça marche vraiment très bien. On est déjà en deuxième réimpression. C'est vraiment comme inespéré ce qui se passe, là. Fait que c'est vraiment bien. Puis, faut parler un petit peu aussi du dessin de Pascal Colpin. C'est ma prochaine étape. Oui, parce que Pascal, c'est vraiment un artiste de cœur. T'sais, il dessine, on le voit, ça sent dans ses personnages. Il aime ses personnages, le trait est doux et rond. Et c'est plein d'affection. Là. En fait, pour moi, c'est un dessin qui est très expressif, en fait, qui va chercher, entre autres chez Yann, chez les autres aussi, un dessin qui est expressif, qui est pas agressif, qui est pas horrifique non plus. Tout à fait. On parlait tantôt de la séquence où il vient sortir justement de terre. Jouer en mode film d'horreur, on a de l'orage, des éclairs, c'est un côté effrayant. Oui. Ça peut être aussi un côté ridicule ou c'est comme drôle un peu dans la comédie. Et encore là, on réussit à trouver un équilibre entre les deux où c'est ni horrifique ni ridicule, c'est juste la situation dans le fond. C'est vraiment ça. C'est vraiment la situation telle que j'imagine que ça se passerait si ce zombie-là existait vraiment. Et parce que je pense pas qu'il y ait nécessairement des éclairs quand on sort de son, son cercueil. C'est de jouer, mais j'imagine que pour lui aussi, ça a été de trouver le même équilibre dans son dessin exactement. Que vous avez trouvé côté texte. Oui, tout à fait. Comme juste par rapport à l'apparence du zombie, ça c'est quelque chose. Quand j'ai publié le roman, on se demandait pour la page couverture, est-ce qu'on présente le mort-vivant? Ça aurait été une erreur parce que chaque lecteur va s'imaginer la créature. On a tous vu des films de zombies. Il est dégueulasse. À quel point le personnage? Donc, Pascal avait quand même un défi assez intéressant à relever. Donc, parce que lui, il n'est pas dans l'imagination. Lui, il doit vraiment figer les traits. Au départ, moi, j'imaginais le zombie vraiment plus zombie que ça. Mais il l'a vraiment fait d'une manière super intéressante. Le personnage est sympathique à la base quand on le voit, mais on comprend tout de suite qu'il est mort aussi. Puis dans certaines situations où il va être en colère, où il va se fâcher, c'est comme si sa nature de mort-vivant va transparaître un peu plus, là. Donc, je trouve qu'il a fait un boulot vraiment incroyable. Oui, puis on prépare aussi le terrain. Dans les premières pages, il y a un jeu de masque où le personnage, justement, joue à être un zombie. Donc, on prépare aussi sur les textures. Puis, c'est quoi le zombie dans l'imaginaire de cette BD-là? Donc, les masques mettent le ton un peu. Exactement. Puis même dans la narration aussi, parce que le meilleur ami de Yann, Nico, il veut faire un film de zombies. Il veut que Yann joue dans le film. Mais bon, ironie de la vie, Yann va devenir un vrai zombie. Et est-ce que ce film se fera dans le tome 2 ou dans le tome 3? Ou peut-être même dans le 4? et dans tout ça, comment justement on se dit à un moment donné, côté visuel, que les éléments étaient là? Parce que j'imagine que de caster, que soit Yann vivant ou mort, son environnement, sachant que avec le roman, les gens avaient pu d'un côté se faire une idée pour les lecteurs, de l'autre côté, vous aviez votre idée, puis Pascal Colpron, on imagine, avait la sienne aussi. Donc, tout à fait. À quel moment on a réussi à se dire, OK, là, on a trouvé la bonne chimie, le bon cadre visuel? On travaille beaucoup quand même, chacun de notre côté, moi puis Pascal. Donc, il a fait plusieurs croquis de Yann qui ressemblaient quand même assez à la version définitive. Là, c'était plus comme des détails qui se modifiaient. Je pense que lui, il voyait vraiment le personnage un peu comme ça. Puis, dans le fait, le défi était de lui donner une humanité au personnage, puis tout en gardant le côté un peu horreur, mais vraiment en surface. Puis donc ça s'est fait quand même assez vite pour trouver les personnages. Moi, je l'ai vraiment laissé aller, Pascal. Puis je pense que lui aussi me laisse complètement aller dans les scénarios. C'est notre manière de travailler ensemble. Puis moi, je lui propose l'histoire. Lui, il découvre l'histoire. Il fait un storyboard. Mm-hmm. Et c'est là, c'est vraiment l'étape où on travaille ensemble, où on s'assoit, puis on regarde, puis on se dit, ben là, maintenant que l'histoire est mise en visuel, est-ce que ça fonctionne? Mm-hmm. Parce que moi, je l'ai imaginé dans ma tête, OK, c'est une chose, mais là, est-ce que ça marche? On peut lire les séquences, puis là, c'est ensemble, on change les petites choses, puis après ça, je le laisse aller, puis c'est lui qui fait le final. Puis... Parce que pour l'essentiel, vous, c'est une première BD, presque. Oui, oui, ça, ben, j'avais déjà fait un peu de scénarisation, mais aucune publication, mais ça fait des années que j'ai envie de faire ça, puis ça fait... Moi, j'adore le cinéma, vraiment, même on dit que mes romans ont un côté très cinématographique, donc c'est vraiment pour moi un fantasme de pouvoir faire ça, et en scénarisant de la bande dessinée, j'ai un peu l'impression de scénariser du cinéma, parce que les scènes, je les vois clairement dans ma tête, t'sais. Puis des fois, j'imagine qu'il y a de l'adaptation où on a une planche en tête. Finalement, quand on arrive à la découpe, c'est là qu'on se dit « Ah, mais tel, il y a peut-être une case qu'on aurait dû, un silence. Ouais. » Ça fait un petit effet papillon sur une page ou deux. Oui, mais c'est assez... C'est tout un casse-tête, hein, la scénarisation. Donc, j'ai pas énormément d'espace. Si on me dit ah, « J'aurais besoin d'une demi-page de plus », je vais comme faire « Oui, mais là, on a peut-être... » Avec la 46, dans le pétrin, c'est ça. Parce que c'est ça, là. On peut peut-être aller à 54 pages, mais... Mais c'est qu'un le saut est grand, en fait. On passe de 46 à 54. Ouais. Il y a pas nécessairement de... Non, c'est ça. D'intermédiaire, inversement, dans d'autres types de romans graphiques ou autres, on peut se dire « On rajoute un 4 pages. » Ça change absolument rien. Là, c'est ça, tout à fait. Mais je trouve que c'est un défi vraiment intéressant d'avoir ça comme, t'sais, comme paramètre de départ. T'sais, mais je la raconte en 46 pages, mon histoire. Donc, arrange-toi pour que ça fonctionne. Qu'est-ce qui est important? Puis cette espèce de concision-là, je pense que ça l'apporte à l'histoire, finalement. Parce que ça serait facile, des fois, de pas de se perdre, mais... de se laisser aller à certaines scènes en se disant « Ah oui, mais la scène où, par exemple, là, c'est même pas dans le tome 1, moi, il revoit sa mère, ben, ça va durer 6 pages parce que c'est vraiment important, parce que c'est beau et tout, mais peut-être que 6 pages sur 46, ça serait vraiment trop important pour l'histoire en tant que telle. Donc, ça m'oblige à vraiment calculer mes choses, puis à bien placer mes cases un peu partout. Donc, c'est quand même un gros boulot de scénarisation, en fait. Puis on revient, j'imagine, à l'idée, justement, de pas être reparti du roman, mais de l'idée du roman. C'est vraiment ça. Ça donne cette liberté-là, où à un moment donné, s'il y a un épisode qui a pas marqué tant que ça, ben c'est peut-être plus facile de le mettre de côté, parce qu'on n'a pas avec l'objet, pogné avec le... Non, puis une histoire, moi, je pense toujours que l'histoire... dans une idée, on trouve toujours un peu les germes de toute l'histoire. T'sais, des fois, on cherche. Moi, si, on a juste à se concentrer vraiment à l'histoire. L'histoire va se développer d'elle-même, en fait. T'sais, on l'aide un petit peu à se développer, mais des fois, faut pas trop forcer la chose. Ou des fois, on trouve pas, c'est vrai. Mais on a juste à vraiment y penser. Puis tout est là, en général, dans une histoire. Quand on a une bonne idée, une bonne situation de départ, là, après, c'est quasiment un peu magique. T'sais, je veux dire, c'est moi qui le scénarise, c'est moi qui ai fait l'histoire, mais je suis aussi un peu fan dans la mesure où j'ai un peu découvert l'histoire comme un lecteur va le découvrir en lisant le roman ou la bande dessinée. Là. Oui, puis en fait, je veux dire, si vous l'avez porté 11 ans après la publication, vous l'aviez encore en tête au point où vous n'aviez pas besoin non plus de retourner au roman, des références. À un moment donné, c'est quand même quelque chose que vous portez, puis quelque chose qui évolue dans la perception, puis dans la relation que vous avez avec ce récit-là aussi avec le temps. Ah oui, mais vraiment. Donc, j'imagine si on a une nouvelle adaptation en cinéma ou en série télé, j'imagine très bien de devoir écrire la série télé et de me dire, ben, je vais pas me fier ni au roman, ni à la BD. On recommence tout parce que c'est un autre médium, c'est une autre manière de raconter. Puis je m'en sentirais vraiment capable parce que cette histoire-là, je sais pas, je la sens vraiment bien, comme en moi, vraiment ancrée en moi. Tu parlais un petit peu d'équilibrisme. De dosage, de ça, je le sens bien. Je le sais si je vais trop loin, si je vais pas assez loin. Je sais que des fois, il faut que j'aille assez loin aussi parce que moi, il y a une chose que j'aime moins. Mettons qu'on parle d'une série télé comme The Walking Dead ou qui est assez intéressante à un moment donné, mais à un moment donné, j'ai trouvé que ça s'essoufflait, que ça devenait même monotone. Puis là, on se dit, mais comment ça peut être monotone quand tu as des hordes de zombies qui arrivent, vous pouvez tout faire, s'il vous plaît, un peu de créativité. Donc, je me dis, ben moi, j'en ai un zombie, j'ai un personnage qui est différent comme héros, il est attachant, il a des attributs il peut faire autre chose. Faut que j'en profite, là. C'est comme... Exact. Ben, c'est quand, à un moment donné, on finit par avoir un cycle. On parle de Walking Dead. Ben, à un moment donné, ça finit par être circulaire où il y a une répétition. Peut-être parce que, justement, on n'arrive pas à mettre fin à une dynamique pour passer à une autre. Peut-être parce que on n'a pas ce souci d'efficacité, là, de concision que la BD impose de facto. Je veux dire, en BD, exactement, on peut pas faire quatre fois la même chose dans une série d'albums. Ben on peut, mais ça serait pas efficace. On peut, ça, mais c'est... en même temps, le lecteur attend peut-être un an pour lire la exact. Suite. Donc c'est très décevant s'il fait « Ah, OK, ben il m'a servi un peu la même sauce, un peu la même chose. » Et donc, le lecteur attend. Et c'est aussi un travail énorme pour le dessinateur. Donc, si moi, je lui fais dessiner des pages un peu optionnelles, c'est pas très chic de ma part, en fait, tu sais. Parce que le temps que ça prend à dessiner toutes ces cases-là, je me dis donc, ça nous oblige vraiment à être concis, à être précis, puis à aller vraiment au cœur de l'histoire. Mm-hmm. Juste comme dans le tome 2 que j'ai scénarisé, je m'en allais vraiment ailleurs. Tu sais, j'étais en train de scénariser mon histoire, je savais où je m'en allais. Puis à un moment donné, j'ai eu une idée que j'ai trouvée vraiment trop bonne. Puis tu sais, là, tu dis, ah non, mais ça, c'est formidable. Puis je me dis, ça, là, je le vois vraiment dans le tome 6 ou dans le tome 7, quelque chose comme ça, là. Puis là, tout en scénarisant, je me disais, mais non, Jocelyn, attends pas le tome 6 ou le tome 7. On sait même pas si le tome 6 ou le tome 7 va exister un jour. Cette histoire-là, elle t'allume au bout. C'est maintenant qu'il faut la faire. On n'a pas à attendre. Tout ce que j'ai à donner, que je peux donner dans l'histoire, je le donne maintenant. Puis quand le prochain sera scénarisé, je me débrouillerai pour trouver autre chose. Puis nécessairement, l'inspiration va venir si elle est là. En faisant assez évoluer le récit, puis j'imagine aidé par le fait que on a des personnages tridimensionnels, il y a une profondeur, il y a une profondeur thématique, mais nécessairement le terreau est quand même, à mon sens, doit être fertile. Très fertile, oui, il est très fertile. Il y a plein de personnages que je peux développer, et comme j'ai peu de pages pour raconter mon histoire, c'est sûr des fois ça va, c'est un peu rapide. Je consens que c'est un peu rapide, qu'on aurait peut-être pris un peu plus d'espace. Mais à la limite, si on veut avoir l'expérience plus lente, on lit le roman. Dans le fond, on a le roman 400 pages où on a un autre type d'expérience, mais, de relation. Mais l'histoire d'intimité est quand même assez différente. Oui. Et ça, je suis assez fier de ça parce que, surtout en Europe, en Belgique et en France, on a beaucoup parlé du roman. Moi, je pensais pas qu'on en parlerait. Je suis quand même un peu content. Et d'ailleurs, le roman va paraître en Europe dans une maison d'édition française. Pour profiter un peu de la notoriété. Pour profiter un peu. Ça me fait vraiment plaisir que 11 ans plus tard, le roman, tout à coup, se lance à la conquête de l'Europe. Ou excuse-moi, je pense que j'ai perdu un petit peu mon idée, là. Puis, dans le fond, je réitère peut-être en conclusion, simplement, parce qu'on l'a mentionné en départ, mais je veux que ça soit clair pour les auditeurs, en fait, parce que j'ai été, puis je l'ai mentionné, mais je le réitère, là, agréablement surpris par le fait, justement, à quel point on peut être touché dans cette BD-là, à quel point il y a un aspect émotif, et à quel point il y a cet équilibre-là entre, justement, l'émotion et d'autres dimensions. Donc, c'est, enfin, un bon coup de semence, comme on dit. Ben, merci, je vais être très curieux, personnellement, de voir le deuxième, le troisième tome, là, mais j'imagine qu'il va y avoir une certaine pression et certaines attentes. Je veux dire, j'ai scénarisé le troisième, je viens de terminer, puis je me demandais si j'allais avoir la pression, justement, tu sais, après être allé au festival Spirou, puis tout le monde fait ouais, on aime vraiment ça, qu'est-ce qui va arriver? Puis finalement, pas tant. Je suis le fil de mon histoire. Troisième, il n'y a pas de deux ans d'attente avec la série qui est lancée, puis que l'on revient. On est scénarisés un peu dans le même mouvement. Ils sont scénarisés dans le même mouvement, mais ça fait des années que notre contrat est signé avec Dupuis. Donc, on a quand même mis une gestation d'à peu près 5 ans pour développer le projet. Pascal a vraiment pris son temps, là, pour être prêt pour que ça arrive à point, pour que ça arrive à point. Notre éditeur nous le disait, dès que le premier sort, je disais, vous pouvez vraiment prendre votre temps, mais dès que le premier sort, par contre, le deuxième, on le veut quand même le plus rapidement possible, le troisième aussi, et ça se comprend. Donc là, vraiment, la machine est sur les rails. Oui, puis surtout avec une prépublication dans Spirou, il y a quand même un rythme qui est quand même à s'imposer aussi. Oui, c'est ça. Donc on a déjà un bassin de lecteurs. Nous, on est allé au festival Spirou, là, ça fait quelques semaines, puis on avait déjà une file de lecteurs qui connaissaient déjà l'histoire. C'est comme assez incroyable. Ben en fait, c'est rentré par la grande porte. Là. Déjà, édition Dupuis, magazine Spirou, puis c'est là qu'on fait son entrée. Je veux dire, c'est signe aussi que l'éditeur croyait au projet, visiblement, puis avait une confiance envers le type de récit, envers l'équipe et le reste. Ben, je pense qu'il y a vraiment eu un béguin pour le personnage d'un zombie gentil. Je pense qu'il dit ça, j'ai jamais vu ça encore vraiment. Il voyait la manière que je voulais le développer. Donc Puis on parlait, Jocelyn Boisvert, du plus rapidement possible pour le tome 2, tome 3. On parle d'un échéancier d'un an à peu près en chaque ou... Ben là, ça va bien parce que le deuxième est déjà dessiné. On est en cours de colorisation. Coloration, on va dire plus. Puis, donc, ça devrait sortir dans le meilleur des cas en avril, sinon à la fin du mois d'août, un an plus tard, après le tome 1. Et le troisième aussi, là, on les enchaîne vraiment. Puis, une occasion de les découvrir et on aura assurément l'occasion de qu'on poursuive la discussion autour de cette série. Ça s'appelle Mort et déterré, donc tome 1, un cadavre en cavale, c'est chez Dupuis, c'est dessiné par Pascal Corpron et Jocelyn Boisvert au scénario. Jocelyn Boisvert qui est avec nous, merci. Ben merci beaucoup. Et on la recommande au passage, cet album, d'ailleurs si vous avez l'occasion d'y mettre la main. Et nous, c'est ainsi qu'on termine cette édition de La Vie en BD. C'était Raymond Poirier au micro. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine sur les ondes du 89.1 CKRL.